Bonjour, Samuel Lauzon au microphone, vous écoutez CKRL 89.1, c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. La semaine dernière, ma collègue Valérie Levé et son invité l'astrophysicien Jean-René Roy ont fait une émission complète sur le maillage entre l'astronomie et la musique. Cette semaine, j'avais envie d'approfondir ce lien entre science et musique en ouvrant un peu la réflexion sur d'autres disciplines comme l'environnement, les sciences forestières et les changements climatiques. Ça, c'est le programme pour la deuxième partie de l'heure, mais pour le moment, j'ai le plaisir d'accueillir une autrice jeunesse passionnée par les sciences et la condition féminine, Emmanuelle Bergeron. Pour la petite histoire, Emmanuelle a d'abord étudié en biologie, parce qu'elle était fascinée par la nature et l'environnement. Elle est devenue journaliste scientifique, et pendant plusieurs années, elle a partagé ses connaissances dans des magazines, à la radio et sur le web. Elle s'est ensuite tournée vers la littérature jeunesse en offrant aux 9 à 12 ans des récits inspirants de femmes exceptionnelles. Emmanuelle a aussi créé une série balado, Filles d'exception, et une exposition intitulée Filles de la sagamie. Son travail a été salué par plusieurs distinctions, dont une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec. Aujourd'hui, elle vient nous parler de son livre Quatre filles de génie. Un livre jeunesse qui nous fait découvrir la vie de quatre femmes qui ont bouleversé le monde scientifique. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Tout d'abord, là, Emmanuelle, là, je dois te dire que avec mes filles, j'ai lu votre livre, puis il a vraiment fait sensation, là, mes filles ont adoré. Mais j'aimerais ça que rapidement vous me disiez de quoi parle ce livre-là. Premièrement, je suis bien contente d'entendre ça, que ça plaise. Alors, mon livre, c'est le premier d'une série. J'ai commencé avec ce livre-là, qui est, en fait, moi, je suis de formation scientifique, comme vous avez bien dit. Et puis, j'avais envie de raconter l'histoire de femmes assez méconnues, parce que, avec mon grand étonnement, je me suis aperçue en faisant des recherches, là, que les femmes en sciences, ça fait pas longtemps, en fait, au Québec, premièrement, qu'on en a. Et ça fait longtemps, en fait, les femmes célèbres, il n'y en a pas beaucoup des femmes scientifiques, et celles qui sont célèbres, bien, en fait, elles ont eu tout un parcours assez fascinant, et puis bien, j'avais envie de raconter ça à des jeunes, parce qu'il faut dire que bien, ces femmes-là ont d'abord aussi été des filles, puis je me suis questionnée justement comment vient cette passion pour la science, ou comment ça se fait que dans des mondes où est-ce qu'elles ont grandi, parce que c'est des femmes qui vivent à différentes époques, bien, elles ont eu envie de faire de la science, donc c'est ça qui m'a titillée un peu. Faire la sélection de le choix de ces femmes-là, comment que ça, par quel c'est, moyen? C'est, ouais, un c'est choix, ça, c'est un choix oui. Quand même difficile un peu, là. Ouais. Oui, difficile et déchirant, je dirais, parce que c'est vrai que pour faire ce livre-là, j'ai d'abord fait beaucoup de recherches. Donc, j'ai été un peu partout voir qui étaient les femmes célèbres, qui avaient des histoires intéressantes à raconter. Puis, c'est déchirant, mais en fait, le choix s'est fait parce que, je ne pouvais pas en choisir 50. Il a fallu que j'en choisisse. J'ai fini par arrêter mon choix sur 4. Puis, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit des femmes qui ont vécu à des époques différentes. Donc, il y en a une qui est dans la Grèce antique, il y en a une qui est plutôt 1700, 1800, l'autre un peu plus tard. Puis en plus, elles étaient de pays différents, donc de milieux différents avec des croyances et une évolution différente par rapport à la science et aussi dans des domaines différents. Donc, il y en a une en physique, une en mathématiques. Donc, c'est un peu comme ça là, que s'est fait le choix. Mais je dois avouer que j'aurais pu faire un tome 2, 3, 4 là, parce qu'à force de faire des recherches, on découvre beaucoup de portraits là, assez fascinants. Là, ouais. OK, puis c'est qui ces femmes-là exactement? Quatre, donc quatre femmes de génie. J'aimerais ça que vous en parliez. Il y avait Hypatie d'Alexandrie, c'est souvent présentée là, comme une pionnière des mathématiques et de l'astronomie. C'est quoi qui vous a fasciné là, dans son histoire à elle? Hypatie, c'est ça. En fait, elle a vécu dans la Grèce antique, donc à une époque où, en fait, ça fait, mon Dieu, tu sais, on réalise pas, mais ça fait plus de 1500 ans à peu près là, qu'elle a vécu. Et puis, à ce moment-là, tout était un peu à découvrir là, par rapport aux planètes, à la Terre et tout ça. Et cette femme-là, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'elle habitait, en fait, son père était un scientifique aussi et qui était directeur de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie, qui est un lieu assez fascinant, là, où est-ce que c'est une espèce de pôle où est-ce que toute le savoir arrivait finalement par bateau, les bateaux qui accostaient à cet endroit-là, ben, on demandait à des scribes là, d'écrire tout ce que les marins avaient vu, puis en fait, c'est un endroit où est-ce qu'on récoltait tout le savoir, Tout le savoir, et oui. c'est ça. Et Hypatie d'Alexandrie a donc grandi dans cet endroit-là. C'est un peu différent de des jeunes femmes de son époque, là, en fait, qui en fait n'allaient pas vraiment à l'école à cette époque-là. Puis c'est ce que j'aime raconter aux enfants aussi, c'est que comment c'était à l'école, tu sais, dans la période de la Grèce antique, c'est pas comme les classes d'aujourd'hui. Ouais, Donc, tout à fait. Hypatie d'Alexandrie, bon, en fait, elle était très différente des autres parce qu'elle avait accès à entre guillemets, à ce savoir-là. Puis son père l'a baignée dans un milieu assez stimulant. Mais quand même, elle a beaucoup de mérite parce que à cette époque-là, ben, c'était pas du tout accepté que les femmes fassent des études, fassent de la science. Donc, elle a fallu qu'elle se batte et puis qu'elle confronte des préjugés là, par rapport à Ouais. ça, là, beaucoup. Ben ça me dit aussi que parfois, bon, j'ai deux jeunes filles, des fois l'école, bon, ils aiment bien l'école en général, mais bon, des fois, ça ne tente pas d'aller à l'école puis d'apprendre des connaissances, mais dans le fond, c'est une chance qu'on a en 2024, là, ben, d'avoir accès à ce savoir-là et que en tout cas, du moins au Québec, les femmes les filles aient le droit à accès à ce savoir-là et à Oui. l'école. Puis en Vraiment. fait, elle a eu une vie un peu tragique aussi, là. Oui, Elle c'est ça. est en fait assez faite assassiner là, Oh mon parce Dieu. que c'était une femme savante. Et puis bon, à ce moment-là, il y avait aussi beaucoup de croyances religieuses. Elle était athée, donc c'était assez complexe. Mais ce qui est le fun que j'ai réalisé, parce que je fais aussi des rencontres dans des écoles, puis les jeunes sont vraiment fascinés par ces histoires-là. Puis bon, au début, j'hésitais un peu peut-être à raconter à quel point c'était tragique sa vie, mais au contraire, je pense que le fait que ça soit des vraies femmes qui ont existé avec des vies un peu tragiques et difficiles, ben ça marque quand même les Oui. jeunes assez bien là, puis ils s'en rappellent en tout cas. Oui, c'est super intéressant. J'aimerais ça vous entendre parler aussi d'une autre femme, Marianne Pauls Lavoisier, qui est connue là pour son rôle de collaboratrice et d'illustratrice pour les travaux de son mari. Mais comment ces travaux là ont contribué à rendre la science plus accessible à son époque? Oui. Ben, en fait, elle aussi, c'est ça. C'était une femme, la femme du grand chimiste Lavoisier, qui a émis toutes Oui. sortes de théories qu'on connaît aujourd'hui. Mais elle était un peu dans l'ombre. Puis, tu sais, malgré qu'elle était une femme riche, en fait, au départ, elle était orpheline. Donc, elle n'était pas du tout éduquée. Mais Ah en oui, OK. mariant cet homme-là, elle a eu accès, bon, à de la richesse. Mais au lieu, bon, juste de s'acheter des robes, elle s'intéressait vraiment à la science. Puis, elle s'est payée des tuteurs, si on veut, pour lui enseigner la science et était assez douée pour le dessin, justement. Donc, elle a vraiment toute sa vie accompagné son mari à écrire ses traités, finalement, à les rendre publics, si on veut, là, à rédiger les traités, puis dessiner lorsqu'il faisait des expériences, je veux dire, dans son salon et tout ça, là, elle a tout dessiné, les protocoles expérimentaux. Et il faut dire aussi qu'elle accueillait dans son salon tous les savants de l'époque. Tu sais, bon, à ce moment-là, ils se rejoignaient, les savants, tenait salon, comme on dit. Et puis, toutes les grandes discussions philosophiques et scientifiques, ben, c'est elle qui faisait, était un peu la reine de la maison, si on veut, là. Et donc, elle a un peu, si on veut, contribué à ce que toutes ces Ces savoirs-là, discussions-là ouais. se rendent un peu publiques, là. Et même après la mort de son mari, qui a été guillotiné, il faut le dire, Ah oui, là, OK. c'était pendant la période de la Révolution française, elle a été épargnée, si on veut, puis elle a quand même continué, là, à diffuser les traités, en tout cas, toutes les notions scientifiques, là, que son mari et elle et tous les autres savants avaient concoctées. OK, fait que une première vulgarisatrice scientifique, si on veut, Oui, son si on travail, veut. c'était de mettre les gens en commun un peu. Et bon, il y a Béatrice Potter aussi, bon, qui on la connaît là pour auteur pour enfants, un peu comme vous, dans le fond, mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que c'est aussi une naturaliste passionnée, dans le fond. Exactement, oui. Elle était donc Béatrix Potter. C'est elle, comment dire, la créatrice de Pierre Lapin, là, que les gens connaissent beaucoup. Et elle a vécu, c'est ça, en Angleterre, dans un milieu assez favorisé. Là aussi, elle avait des professeurs privés. Et son père était un peintre. En tout cas, avait des intentions pour sa fille qu'elle devienne peintre, mais Peintre, OK. elle aimait beaucoup, elle était très douée pour la peinture, ça c'est vrai. Et sa passion, en fait, elle a passé beaucoup de temps à la campagne et elle dessinait la faune, la flore, elle s'agenouillait par terre, elle dessinait des insectes, tu sais, de façon très précise. Et puis, son père voulait qu'elle devienne peintre, mais elle voulait être scientifique, en fait. Elle aurait beaucoup aimé étudier, puis au grand dam de sa mère qui essayait de lui trouver des prétendants et des belles robes et qu'elle fréquente des salons, mais ça l'intéressait pas trop. Et puis, malheureusement, elle n'a jamais pu vraiment étudier en sciences. Elle a eu un oncle qui l'a quand même initiée à la mycologie, donc OK. la science des champignons. Elle aurait aimé pousser plus loin, mais malheureusement, elle s'est fait dire, toi, tu es une femme, on lira jamais ce que tu écris, oublie ça. Donc, elle s'est tournée, en fait, vers l'écriture et puis elle a eu vraiment beaucoup de succès. Et puis, il faut dire que ses dessins étaient vraiment très beaux, très précis et très respectueux, comme on peut dire, de l'anatomie, là, de la nature. Et puis, c'est une belle histoire aussi, c'est que la création de Pierre Lapin, en fait, elle l'écrivait à un de ses, en fait, un jeune garçon de 5-6 ans qui était malade. Elle a commencé à écrire des histoires pour ce petit garçon-là. Et puis, bon, de fil en aiguille, c'est devenu assez populaire. Et c'est un des premiers, là, livres pour enfants qui a été vraiment, à ce niveau-là de connu, là, De diffusion et de tout. diffusion, exact. C'est super intéressant. Et finalement, la quatrième, c'est non la moindre, Marie Curie. Bon, c'est vraiment une figure emblématique là, des femmes en sciences, première femme à recevoir un prix Nobel. C'est souvent d'ailleurs, pour les bonnes choses et pour les mauvaises, je dirais, la première femme et des fois un peu la seule femme quand on parle de femmes connues en sciences. Les gens disent, ah, Marie Curie. Mais bon, Marie Curie, c'est quelqu'un d'important et j'aimerais ça vous entendre parler là, un peu plus Ben là, oui, de. en fait, elle a eu non seulement un, mais deux prix Nobel, donc un en physique et un en chimie. Et puis, encore une fois, ben c'est sûr, elle a un parcours assez exceptionnel, c'est ça, elle a vécu en Pologne et c'était interdit pour les filles d'apprendre, d'aller à l'université. Alors, elle et sa sœur, en fait, ils venaient d'un milieu bon assez stimulant quand même. Bon, leurs parents les ont encouragés, mais il a fallu qu'elles aillent ce qu'on appelait à l'époque là des universités clandestines parce que les Russes, en fait, qui contrôlait un peu toute la société à cette époque-là, voulait pas que les femmes étudient, mais en cachette, il y avait quand même des professeurs là, qui enseignaient. Puis bon, elle a fini par partir et aller étudier en France, à Paris. Et puis, donc, elle a étudié la physique. C'était assez courageux de sa part, là. Elle a vécu, c'est ça. Et elle a rencontré ben, Pierre Curie, qui est devenu son mari. Et ensemble, il faut dire que ça a vraiment aidé qu'ils soient tous les deux, là. Ils ont fait un duo assez exceptionnel, là, où est-ce qu'ils ont travaillé là, justement sur la radioactivité, et c'est là qu'ils ont eu le prix Nobel, mais elle a eu un second prix Nobel après en chimie. Et puis, c'est vrai qu'on s'en souvient parce que probablement à cause du prix Nobel, Du prix Nobel, oui. mais, ouais, mais elle a été quand même une travailleuse acharnée, là, on peut Oui. dire que c'est mérité, là. C'est Écoute, mérité, elle tout à fait, n'arrêtait oui. jamais. Ben, deux prix Nobel, habituellement, t'as travaillé pas mal pour avoir ça. J'aimerais ça qu'on explore un peu les liens là, entre toutes ces femmes-là. Bon, comme vous disiez, bon, ils ont vécu à des époques différentes, dans des contextes différents, mais. Quel défi, je dirais, commun là, qu'ils ont affronté pour s'imposer? Est-ce que vous voyez des liens, dans le fond, entre toutes ces femmes-là, quelque chose qu'on peut sortir, une image globale, là, dans le fond, de ces femmes-là? Ben, en fait, un peu comme, puis que ce soit en sciences ou dans d'autres domaines aussi, là, dans la série, comme j'ai dit, il y a même en sport ou dans plusieurs domaines, je pense que ces femmes-là, ce qui les démarque, c'est des filles un peu têtues, un peu déterminées, comme on dit. Et puis, je pense que c'est important peut-être d'en parler à des jeunes pour dire que finalement, chacune à leur époque, dans leur société, c'était pas accepté que les femmes étudient, que les femmes aillent en sciences, mais elles ont sont confrontés, cette époque qui disait, ben non, vous n'avez pas le droit, elles ont été têtues, ils ont dit, ben moi, je vais le faire pareil. Donc, ça, c'est, ils sont Force de dégourdis, en fait, caractère, ouais. c'est ça, et très persévérants d'avoir continué malgré ce qu'on leur disait, puis malgré les pensées de l'époque qui disaient, ah, oh, ben les femmes, c'est pas assez intelligent, ça peut pas aller à l'université. Donc, c'est un peu ça qui les relie, finalement, là, un peu. Ouais, et puis aussi, si je peux me permettre, ce que je remarque aussi, c'est que toutes ces femmes-là ben en tout cas, la plupart ont eu la chance d'avoir une éducation ou une famille et qu'eux n'avaient pas ces préjugés-là. Donc, on voit que quand ils ont l'opportunité, ben, ça fleurit, la science, les connaissances fleurissent, ben, ils réussissent parce que justement, c'est le milieu souvent là, qui va Absolument, aider, oui. là, tout à fait, là. Soit Ben, leur ça... mari, soit parfois leur famille, Ouais. mais ou des gens qu'ils ont rencontrés sur leur chemin qui ont fait qu'elles ont eu une tape dans le dos, puis elles ont continué, là, effectivement. Oui. Ah oui, puis c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est important puis pour les jeunes d'aujourd'hui de voir que bon, il y a des femmes comme ça qui ont tracé le chemin avant elles. Puis justement, j'aimerais ça parler un peu des aujourd'hui. Bon, en 2025, là, dans quelques jours, on va être en 2025. On parlait de 1500 ans, c'est ça, avec Hypatie Hypatie d'Alexandrie, ouais. d'Alexandrie. Donc, c'est quoi le message, dans le fond, que vous voulez envoyer à une jeune fille, par exemple, qui rêverait, là, dans le fond, d'avoir une carrière en sciences ou qui s'intéresse à ça, qui est curieuse, qui regarde les insectes, les feuilles, puis qui se pose des questions Ouais. Ben, je dirais que, en fait, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins d'embûches qu'il y en avait là, il y a 1500 Oui. ans, ou même au Québec, il y a à peu près 100 ans, c'était pas si évident que ça non plus. Puis, en fait, je pense que c'est de reconnaître le chemin parcouru par ces femmes-là, de voir à quel point elles ont été des battantes, là, elles ont franchi des portes, si on veut, mais de voir que finalement, c'est accessible à tout le monde. Je pense que la science aujourd'hui, autant les filles que les garçons, c'est vrai que ça a une perception que c'est difficile, hein, étudier en sciences, c'est des mathématiques, on a toujours cette perception-là. Mais je pense que avant tout, ce que ça démontre, c'est que c'est de jeunes filles curieuses qui voulaient comprendre leur entourage, comprendre, bon, par exemple, pour l'astronomie, c'est que comprendre leur environnement, comprendre Oui, ce qui oui. se passait. Puis je pense que ça, c'est bon pour tout le monde. Puis je dirais que ça commence très jeune, en fait, aussi. Puis les professeurs au primaire ont un gros rôle à jouer là-dedans. Je pense que lorsqu'ils sont passionnés eux-mêmes, puis qu'ils transmettent cette passion-là, je pense qu'après, c'est moins difficile. On n'a plus cette perception que la science, c'est difficile. En fait, la science, ça nous entoure. On en a partout autour de nous. Fait que je pense que ça vaut la peine. C'est de passer par-dessus ça, puis c'est tellement intéressant après. Ça fait des métiers intéressants aussi, là, pour les jeunes filles. Ouais, puis je suis curieux justement là. Bon, votre travail c'est vulgarisation scientifique et tout ça. Puis je me demandais quelle place vous voyez. Vous parlez des professeurs, c'est un peu de la vulgarisation, mais bon, vous écrivez des livres pour les jeunes. La vulgarisation, justement, en 2025, ça veut dire quoi, justement, quand on s'adresse à des jeunes filles? Est-ce qu'on aborde ça d'une façon différente quand c'est pour les jeunes filles? Je dirais non, parce qu'il Non? y a un travail aussi à faire sur les jeunes garçons en ce moment. Oui. Je dirais que c'est égal, au contraire, c'est de démontrer que maintenant, la science, c'est pas, il n'y a pas du tout de filles ou garçons, c'est vraiment sa curiosité, puis sa passion, là, je dirais. Puis je pense que le fait d'avoir aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles féminins, le fait de parler de ces femmes-là, il y a des modèles, on pense à, Farah Alibi, par Oui. exemple, là, qui est une grande vedette, mais c'est merveilleux parce que, dans un domaine hautement scientifique et pointu, mais je pense que c'est bien d'avoir des modèles, de voir que c'est des filles comme tout le monde, qui c'est pas accessible juste à une élite ou à des jeunes filles qui pourraient se dire, oh, moi, je suis pas assez bonne à l'école ou des choses comme ça. Je pense que aujourd'hui, En tout cas, il y a un beau travail qui a été fait. C'est pas seulement moi là, c'est vraiment beaucoup. De plus en plus, on a de plus en plus de modèles. Puis ça, je pense que c'est important. Puis c'est bien là. Oui, tout à fait. Puis je pense aussi que ça, je pense que ça peut inspirer les garçons aussi de voir des femmes Absolument. inspirantes, là, tout à fait, là. Puis là, bon, j'en ai parlé un peu dans l'introduction. Vous avez fait une série de balados, sur les filles d'exception, là. J'aimerais ça que vous nous en parliez un peu plus. Est-ce qu'il y a des Oui. filles de science là-dedans? Est-ce que oui, Oui, c'est ça. en fait, la série Balado, ça a été une bourse du Conseil des arts et lettres là, du Québec que Oui. j'ai eue. Et puis, ça, encore une fois, ça a été un choix difficile parce que, bon, faire des balados, ça demande toute une infrastructure. Alors, je me suis associée à une boîte de production là, qui s'appelle Magnéto. Et il a fallu donc refaire un peu les scénarios des récits du livre pour les transformer un peu plus audio. Et il y a eu des comédiens là, qui ont participé pour parler des dialogues, parce que justement dans le livre, là, il y a beaucoup de dialogues, là. Oui. Donc, il y a des comédiens qui ont participé. Et puis, donc, vu que bon, ça prend toute cette infrastructure-là avec la musique, la mise en scène, Ouais. bon, j'ai pas pu en faire 12. Il a fallu que j'en choisisse 4. Donc, j'en ai choisi 4 dans différents domaines, en fait, de la série. Donc, j'ai pris Hypatie d'Alexandrie pour les scientifiques, OK. mais les trois autres sont dans les livres, donc une artiste et puis une sportive, donc différents domaines. Donc, une fille de chaque livre, si je me trompe. C'est ça parce qu'il faut dire Il y a que... cinq livres, hein, je crois. C'est ça, cinq Oui, livres? c'est ça, Cinq livres, exact. quatre filles à travers ça. Puis, C'est ça. Puis, oh, je d'ailleurs. peux mentionner, pardon, Oui. que justement, comme j'ai mentionné un peu tout à l'heure, non seulement en sciences, mais en faisant ce livre-là sur les quatre filles de génie, j'ai poursuivi la série, j'ai continué en sport parce que je me suis aperçue qu'il n'y a pas juste en sciences où il y avait des préjugés et des non-dits et des interdits pour les femmes. Il y a eu les arts, il y a eu les sports, il y a eu toutes sortes d'autres domaines. Donc, c'est intéressant d'explorer cette autre facette-là aussi. Puis je tiens à dire aussi, je l'ai écouté avec ma grande fille de 10 ans, là. Je parle un peu de mon expérience personnelle et avec ma petite de 6 ans. Puis je pense les dialogues là, dynamiques, là, si vous avez des enfants, en tout cas, je parle aux auditeurs, si vous avez allez voir ça, là, ça se trouve un peu sur toutes les plateformes, Spotify, pour ne pas la nommer. Puis en tout cas, ils ont vraiment apprécié. Et puis là, j'aimerais ça. Poser la question, là, j'ai vu qu'il y avait comme une exposition qui s'en venait encore sur les femmes, les femmes en sagamie. Bon, c'est de quoi ça parle? Alors, la Sagamie, oui, c'est les filles de la Sagamie. Donc, la Sagamie, c'est en fait des femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que c'est là où j'habite. Et j'ai eu envie, justement, de parler, là, dans ma série de livres. En fait, je parle de femmes d'un peu partout dans le monde qui sont devenues célèbres. Bon, Marie Curie, parfois, ça peut paraître un peu loin pour des enfants, là, la Pologne. Là, j'ai choisi de faire le portrait de femmes de la région, parce que quand je vais dans les écoles, justement, je me suis aperçue qu'il y a aussi beaucoup de femmes québécoises et qui, tu sais, ça peut être inspirant de savoir qu'une femme qui est devenue célèbre, une grande chanteuse, par exemple, pour ne pas la nommer Marie-Nicole Lemieux, ben, elle a Ouais. grandi à Dolbeau, elle était à l'école avec ses camarades, donc c'est près de ce que les jeunes vivent, là. Donc, en fait, c'est un projet un peu particulier que j'ai fait en association avec les écrivains de la Sagamie, parce OK. que c'est pas seulement moi qui ai écrit les textes, je me suis associée à d'autres autrices, donc de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, et des illustratrices aussi, qui sont OK. soit originaires de la région ou qui habitent dans la région. Et puis, on a fait, c'est ça, j'ai fait tout un portrait, des portraits, en fait, très courts cette fois-là, et j'ai laissé le champ libre aux autrices de avoir le style qu'elles voulaient. Donc, il y en a une qui a fait un slam, par exemple. Ah oui, Il y OK. en a une qui a écrit le portrait d'une jeune femme sous forme de lettre qu'elle écrit à ses parents. Il y en a une autre qui raconte au jeu son histoire un peu plus classique, mais ça fait une variété de textes, donc c'est assez intéressant. Puis c'est chaque autrice qui a décidé de raconter un peu à sa façon. C'est très court. Il y a aussi des illustrations, c'est ça, des illustratrices qui ont participé, qui, à partir des textes, elles ont fait une image de leur perception de cette femme-là, là. Donc, en fait, au départ, ça devrait. J'avais l'objectif de faire un livre, je n'ai pas Oui, encore OK. trouvé preneur, mais en attendant, ben, c'est ça, on a fait une exposition. Donc, c'est 10 panneaux avec 10 portraits et OK. qui se promènent dans les bibliothèques là, de la région, qui a De la été à région. Alma, à Chicoutimi, puis elle va se promener encore là, au cours de la prochaine année, là. Voilà. Et puis, il faut Ah. dire aussi que ces textes-là qui sont écrits, ils sont disponibles sur le site des écrivains de la Sagamie. L'objectif, c'est aussi que peut-être des enseignants les utilisent dans les écoles pour faire connaître ces femmes-là, parce que souvent, c'est des noms que les jeunes entendent, là, qu'on parle de Marguerite Bellé, qui est une OK. pionnière de Ouais. Jonquière, Pierrette Godreau, il y a un édifice qui porte Oui, son nom, alors... c'est ça que je me disais, oui. C'est ça, en fait, c'est des noms qu'on entend dans le quotidien, mais c'est pas tout le monde, même les adultes, en fait, Qui savent, qui ouais. savent leur histoire. Même moi, j'en ai appris beaucoup, là, en faisant des Ah. recherches, là, sur ces femmes-là, là. Ouais. Oui, c'est ça, quand on fait de la vulgarisation scientifique, ce que les gens savent pas, c'est que nous aussi, on apprend plein de choses, puis c'est un peu pour ça Absolument. qu'on fait ça. Eh bien, c'est déjà tout. Merci beaucoup, Emmanuel, là, pour cet échange là, sur fascinant, là, sur ton travail de vulgarisation, là. Je pense qu'il suffit des fois juste d'un livre jeunesse pour allumer la flamme là, d'une carrière scientifique là. Puis je pense avec tous les enjeux climatiques qui se pointent le bout du nez, on va avoir besoin de tous ces petits cerveaux-là. Gars, filles, on va avoir besoin pour trouver des solutions. Donc, je rappelle que mon invité était Emmanuelle Bergeron, vulgarisatrice scientifique et autrice. Nous allons maintenant faire une courte pause publicitaire et au retour, on plonge dans l'univers de la musique et de son lien avec la science. Reste avec nous!